Chapitre 2e, Verba volant. Le mardi soir, un peu avant le départ de son train, M. Gobin était assis à la terrasse du café du terminus lorsqu'il fut abordé par son ami Bernard. « Tiens, Bernard. Eh, c'est l'ami Gobin. » Poignée de main, offre d'une consommation, la conversation s'engage. De celle-ci, je respecte scrupuleusement les termes, la chose ayant, comme on le verra, son importance. Le chef, au surplus, avait invité le plaignant à préciser ses souvenirs, sans craindre d'entrer dans les banalités en apparence les plus oiseuses. « Eh bien, demanda M. Bernard, tu es toujours bœuf ? Madame Gobin n'est pas encore de retour ? Non, mais je l'attends jeudi, ou au plus tard vendredi. Alors je t'enlève, tu dînes et tu couches à la maison. Impossible, mon vieux. Pourquoi ? Parce que j'ai chez moi des fonds importants. Si importants que cela. 80 000 francs. C'est un chiffre. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Je ne serai pas tranquille. Tu me fais rire. Qui veux-tu qui aille choisir justement cette nuit pour te voler ton argent ? Il faudrait pour cela savoir que, contre tes habitudes, tu le gardes chez toi et que tu les couches. D'ailleurs, n'as-tu pas un Cerbère aussi dévoué que vigilant dans la personne de ton brave Jean Cavalier ? Pardon ? Interrompit le chef. Le nom du domestique fut-il prononcé ? Oui, je répète textuellement. Continuez. Jean descendra son lit dans ton cabinet. S'il se présentait déjà animé de mauvaises intentions, je te garantis qu'il serait bien reçu. Ainsi, je t'emmène. Nous passerons ensemble une bonne soirée. Merci, mon vieux. Mais encore une fois, impossible, à mon grand regret. Tu sais que je reçois tous les soirs sans faute une dépêche de ma femme. Ah oui, Philémon et Baucis. Comment ? Vous n'avez pas honte d'en être encore là, de tourtereaux de votre âge ? Eh bien, télégraphie à ton domestique de prendre connaissance du message de Madame Gobin. J'imagine que vous n'échangez pas par fil des confidences compromettantes. Et de t'en expédier chez moi le contenu, hein ? J'espère que te voilà à bout d'objections. Non, je t'en prie, décidément, n'insiste pas. Alors tant pis, ce sera pour une autre fois. Au revoir. Là-dessus, je quittai Bernard, je pris mon train et vous savez le reste. Le chef sourit. J'ai idée, mon cher monsieur Gobin, que vous faites trop bon marché du reste et qu'en fouillant bien dans vos souvenirs, nous y trouverions encore à glaner pas mal de détails intéressants. Ainsi, déjà, ne vous rendez-vous pas compte que vous et votre ami, au cours de votre conversation, avez suggéré à vos escrocs l'idée de leur dépêche ? Bien plus, que vous la leur avez dictée vous-même, en leur en fournissant les trois éléments essentiels, savoir, premièrement, le nom du pseudo-signataire, M. Bernard, et la révélation de l'intimité de vos relations, justifiant de sa part une invitation à passer la nuit chez lui. Deuxièmement, la circonstance du télégramme qu'en vertu d'une habitude touchante, nullement ridicule, vous échangez chaque soir avec Madame Gobin. Troisièmement, la présence dans un meuble de votre cabinet d'une somme de 80 000 francs, c'est juste. Par ailleurs, vous reconnaissez avoir désigné nommément le destinataire de la dépêche, votre domestique Jean Cavalier, mais son adresse n'est-elle pas la vôtre ? On l'aura relevée sur quelqu'un des papiers, votre carte d'abonnement, par exemple, inclue dans votre poche, que l'on ne s'est pas privé d'explorer. On a bien dérobé vos clés. Vous avez raison. Vous voyez que tout y est, et qu'il a suffi que vos paroles tombassent dans une oreille indiscrète pour qu'un hardi coup de main fût immédiatement conçu et réalisé. Quoi ? Si rapidement que cela ? En 10 minutes ? Un quart d'heure, pas plus ? Oh ! Il n'en faut pas davantage pour une bande aussi audacieuse et aussi parfaitement organisée que celle sur qui se portent nos soupçons. Qu'en dites-vous, Javert ? Je partage entièrement votre conviction. En conséquence, mon cher monsieur Gobin, je crois qu'il conviendra de chercher vos voleurs dans votre entourage du terminus et non ailleurs. Recueillez-vous donc et tâchez de vous rappeler aussi exactement que possible les physionomies et les attitudes des consommateurs voisins. Avec cela que c'est facile, grommela l'architecte, dont le front plissé et congestionné attestait une violente contorsion d'esprit. Enfin, après quelques minutes de réflexion, il déclara « Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait, arrêté devant moi, au ras du trottoir, une grande automobile à caisse vert foncé. « Ah ah !» fit le chef, en échangeant avec moi un coup d'œil. « Le chauffeur ne devait pas être loin. » « Ma foi, effectivement. » Il y avait attablé à côté de nous, presque à nous toucher, un jeune homme enveloppé dans une immense pelisse de fourrure, très joli garçon, avec une fine moustache brune et une chevelure abondante qui bouffait sous sa casquette de cuir. Il se présentait face à moi. Seul ? Non. Il y avait à la même table un gros monsieur qui nous tournait le dos. Au moment où j'allais quitter Bernard, le jeune homme s'est levé et a sauté dans l'automobile qui est reparti immédiatement. Qu'est devenu le gros monsieur ? Je l'ignore. J'ai serré la main à Bernard et j'ai gagné mon train. C'est fâcheux que vous ne vous soyez pas retourné, car il y a de grandes chances pour que le compagnon du jeune chauffeur vous ait emboîté le pas. Enfin, vous voilà dans votre compartiment. Quelle classe ! Première, personne avec vous ? Personne. Seulement, à la dernière minute, un voyageur est monté. Ah mais ! L'architecte s'interrompit brusquement, les prunelles dilatées, comme éblouies par une clarté soudaine. Ah mais ! Et parbleu, cette corpulence ! Ses cheveux retombent en couronne sur le col du par-dessus, et ce chapeau demi-forme à large bord. Votre voyageur n'était autre que le gros monsieur de la terrasse du terminus. J'en jurerais. Moi aussi. Alors, que s'est-il passé ? Rien d'anormal jusqu'à la station de Clichy. C'est là que s'embrument tous mes souvenirs. Voyons, cherchez bien. Je lisais mon journal, alors, vous comprenez ? Où vous trouviez-vous assis respectivement ? Lui, côté du quai d'embarquement, moi, à l'extrémité opposée de la même banquette. Ne s'est-il point déplacé en cours de route ? C'est vrai, j'avais oublié. À l'arrêt de Clichy, il vint s'accouder à la portière. Puis, attendez. Comme le train commençait à s'ébranler, je crois, il me semble avoir senti, quelque chose me fusait sous le nez. Puis plus rien. C'est à ce moment que j'ai dû perdre connaissance. Pour la troisième fois, le chef se retourna vers moi. Le coup du notaire, et probablement aussi du laitier. C'est bien notre bande qui a travaillé cette fois encore. Puis, s'adressant de nouveau à l'architecte, « Je vous remercie, monsieur. Maintenant, nous sommes fixés. Le reste nous regarde. Vous pouvez être assuré que nous ferons le possible et l'impossible pour découvrir vos voleurs. » Monsieur Gobin sortit, le chef me déclara. « Javert, il faut à tout prix que vous nous mettiez la main sur ces gaillards-là. À tout prix, vous entendez ? Les plaintes affluent. Le public commence à s'inquiéter. La presse devient nerveuse. Cela ne peut pas durer ainsi. » Je vous donne 15 jours pour les boucler. 15 jours pour boucler la bande mystérieuse. Il ne doutait de rien, le chef, en vérité. Mais qu'était-ce juste que cette trop fameuse bande ? Le lecteur ne serait sans doute pas fâché de le savoir. Ouvrons donc ici une parenthèse. Quelques 6 mois auparavant, un jeune homme, M. Georges M., laitier, fils d'un éleveur aisé des environs de D, ayant touché à sa majorité une prime d'assurance de 20 000 francs, avait invité le jour même, qui était un lundi, jour de marché, quelques-uns de ses amis à déjeuner dans un hôtel de la ville pour fêter avec eux cet heureux événement. La prime, dont le bénéficiaire portait sur lui le montant, avait été légèrement écornée, et le déjeuner, comme bien on pense, copieusement arrosé. En sortant de table, la joyeuse compagnie stationnait sur le trottoir devant l'hôtel, avant de s'orienter vers de nouveaux plaisirs, lorsque M. Georges M. fut abordé par un individu à mine de campagnard qui l'entraîna à l'écart. Que se passa-t-il alors ? On l'ignore, le laitier s'étant déclaré incapable de fournir à cet égard le moindre renseignement. Toujours est-il que le soir même, on le trouvait profondément endormi sur une banquette de wagon à la gare Montparnasse, délesté de 19 000 et quelques 100 francs que contenait son porte-monnaie à l'issue du déjeuner. Il n'avait sur lui qu'un billet d'aller-retour. Or, il ne se souvenait pas plus d'avoir pris ce billet que le receveur ne se souvenait de le lui avoir délivré au guichet. Toutes les recherches entreprises à l'effet de découvrir l'auteur de ce curieux coup de main demeurèrent infructueuses. La curiosité du public, d'abord très surexcitée, commençait à se calmer, et nous-mêmes n'eussions pas attaché d'autre importance à la mésaventure de ce garçon sans une nouvelle affaire qui se produisit à 3 semaines de distance et qui, par de certaines analogies, suscita des rapprochements. Une rentière de haine, également en Eure-et-Loire, âgée, sans famille, avait demandé, par voie d'annonce dans les journaux de la région, une demoiselle de compagnie. Un beau matin, il va s'en offrir une, fort bien, très gentille, d'excellente manière, qui plut d'emblée à la bonne dame. Cette jeune personne était accompagnée d'un respectable vieux monsieur qu'elle présenta comme son père. Au bout d'une heure de conversation, Le père et la fille avaient si complètement gagné la confiance de la rentière qu'elle les retenait à déjeuner et qu'au dessert, ils étaient au courant de toutes ces petites affaires. Comme la bonne sortait de la salle à manger après avoir servi le café, la future demoiselle de compagnie la suivit, sous un prétexte quelconque, à la cuisine. Un peu plus tard, la bonne et la maîtresse s'éveillaient, celle-ci dans la salle à manger, celle-là dans sa cuisine. Toutes les valeurs emporteurs que possédait la pauvre dame avaient disparu, avec l'aimable fille et son respectable père. À partir de ce moment, les attentats se multiplièrent au point de nous révéler l'existence d'une association de malfaiteurs admirablement dirigée et organisée. De combien d'individus se composait-elle? Où avait-elle son quartier général? Mystère. Aussi l'avions-nous baptisée la bande mystérieuse. D'une fertilité et d'une subtilité extraordinaires dans la conception, comme d'une audace inouïe dans l'exécution, elle opérait avec une précision, surtout avec une rapidité de déplacement véritablement déconcertante, au point de paraître douée d'un véritable don d'ubiquité. Ainsi, son dernier exploit n'était antérieur que de quelques heures à celui dont M. Gobin venait de nous faire le récit. L'enlèvement de l'architecte datait du mardi soir 5 heures. Or, ce même jour, mardi, à 2 heures de l'après-midi, M. Z, notaire à M, ville de Seine-et-Oise, distante de 20 lieues de Paris, avait reçu la visite d'un de nos aigrefins. M. Z travaillait dans son cabinet, qu'une simple cloison sépare du bureau de ses clercs, lorsqu'il fut introduit, après avoir fait passer sa carte, un monsieur qui, sur la dite carte, s'appelait le comte de la Rochalure. L'entrevue fut des plus brèves. Le comte s'approcha de M. Z, le chapeau à la main, comme pour le saluer, puis, dans le moment où l'autre, sans méfiance, s'inclinait pour rendre le salut, allongea simplement le bras. Le notaire sentit lui aussi comme un souffle lui passer sous le nez. Et quand, 1 heure plus tard, le premier clerc vint prévenir M. Z que des clients s'impatientaient de l'attendre, il trouva le patron profondément endormi, le nez sur la table. 160 000 francs en billets de banque que contenait la caisse de l'infortuné Tabellion avaient disparu, avec M. le comte de la Rochalure, qui était sorti par une autre porte du cabinet, sans être vu du personnel. Seul le courantin de l'étude put fournir un signalement approximatif du noble visiteur. On suppose que l'opérateur devait tenir dissimulé dans sa main une sorte de poire en caoutchouc remplie d'un liquide stupéfiant d'une grande puissance et communiquant avec une bave creuse au chaton muni d'un bec pulvérisateur. L'architecte de la rue de Châteaudun avait pu expérimenter à son tour, le soir même, l'excellence de l'invention. L'ingéniosité de ces voleurs modernes style dépassait tout ce qu'on saurait imaginer. Et c'était une bande que j'avais mission d'envoyer au dépôt dans les 15 jours.